así. Allí soñamos tu Chantelle, Chantelle, Chantelle, Chantelle, Chantelle, côté. Je t'aime maintenant comme on dit de nos vins. Oh, mais le pays m'est trop. J'y crois moins, on n'a jamais besoin. Quand tu m'as l'aïe, on t'a péché maintenant. Je t'aime moins pour les mettre d'amour. Oh, Sweetie, see mon amour, mais nous c'est des pieds mauvais. Oh, Sidi, Sidi est ma préférée. Sidi, Sidi est bien là. On m'amène au légit, bien ma motionne, on m'amène au légit. Oh, Sidi. Oh, Emily, Emily, Emily, Emily, Emily, Bobo, Marido Femeco. Oye, pula mamá, se vos tomó, llevan a pula mejor.